Chapitre 8. En route vers Agra. Abondance du gibier. Arrivée à Agra. Le mausolée du grand mogol Akbar. À Secundra. Le Taj, la merveille des merveilles. L'Etma Doula. Fethepur Sikri. Le tombeau du cheikh Selim Chisti. Un guide gâteux. Le palais d'Akbar, époux éclectique, justicier célèbre et grand joueur d'échecs. Le fort et ses splendeurs, la ville indigène, adieu nocturne au Taj. 31 mars, la nuit que nous venons d'endurer, entrecoupée d'un long arrêt à Cawnpore, est certainement une des plus pénibles de notre voyage. Au matin, nous traversons d'immenses plaines insignifiantes, quoique très cultivées. La voie ferrée est bordée à gauche de yucca et à droite de plumées de colonels. Ces derniers s'inclinent sur notre passage. Est-ce un présage? Note. Plumée de colonel. Gynerium argentea. Fin de note. Beaucoup de gibier dans les champs. Des antilopes à cornes en vrille. De grandes grues gris ardoises à tête rouge. Des cigognes au bec épais, avec l'extrémité des ailes noires et roses. Des paons, des hérons. Des myriades de perruches, de tourterelles et de merles à longue queue, etc. Sans compter toutes les variétés d'oiseaux de proie, depuis le petit Milan jusqu'au vautour. Après avoir changé une dernière fois de train à Tunla Junction et avalé un pot de gingembre à la place d'un pot de marmelade, tellement on me presse, nous apercevons enfin tout au loin, vers notre gauche, à travers la lourde atmosphère de feu, le dôme et les minarets du fameux Taj, dont la blancheur est telle qu'on le croirait fait d'ivoire. En nous rendant à l'hôtel, nous passons devant le fort, puissante construction du XVIIe siècle, avec fossés, tours, meurtrières et créneaux indomoresques. Cette citadelle de grès rouge et de marbre noir, dentelée de dômes blancs et de pinacles d'or, est le plus étonnant modèle de somptuosité militaire connue. Nos ablutions faites à l'hôtel Lawrence and Staten, nous partons malgré la température pour visiter le tombeau de l'empereur Akbar, situé dans le village de Secundra. Note. Empereur Akbar, empereur moghol, 1558-1605. Fin de note. Nos petits chevaux nous y mènent en moins de 30 minutes. Quatre portes monumentales en mosaïque de marbre, flanquées de minarets et couronnées de clochetons élégants, forment pavillon au milieu de chacun des côtés du carré de murailles entourant ce mausolée célèbre. Note. Carré de murailles. Le pourtour du carré mesure 5 km. Fin de note. De chacune de ces portes part une large avenue en dalles de grès rouge aboutissant à la plateforme basse du monument. Tout le long de ces allées, élevées de 2 mètres au-dessus des jardins, nous remarquons des pierres en surplomb percées d'un trou central qui servait jadis à maintenir les mâts, porte vélarium. Le monument lui-même consiste en une imposante pyramide rectangulaire formée d'une superposition de 3 terrasses en retrait ornées d'arcades et de coupoles en grès rose. Plusieurs de ces coupoles sont revêtues de mosaïques de faïence et de porcelaine d'un très bel effet. Au-dessus de la terrasse supérieure est une cour aérienne entourée d'une balustrade en guipure de marbre blanc. Enfin, 4 kiosques d'un dessin charmant couronnent cette somptueuse masse de grès. Le centre de la cour intérieure, dallée des marbres les plus précieux, est marqué par le sarcophage figuré d'Akbar. Pendant que nous admirons le fini merveilleux des sculptures de cet étrange monument, deux trombes de sable s'élèvent de la plaine brûlante à 100 mètres de hauteur environ, hésitent, se balancent, tourbillonnent, puis disparaissent à l'horizon en tordant tout sur leur passage. Le corps d'Akbar repose en une chambre souterraine de stuc blanc dans un cercueil de marbre de Jaipur. La salle, sur laquelle donne le souterrain, est une merveille de sculpture et surtout de peintures ornementales. Malheureusement, la majeure partie de ces délicieuses arabesques est détériorée et les réparations ordonnées par le gouvernement ont dû être interrompues par suite de la question budgétaire. Le parc, quoique mal entretenu, renferme une grande variété de beaux arbres et d'arbustes rares, paradis des perruches, des guêpes et des papillons. En revenant à l'hôtel, nous y trouvons M. F., chargé d'importantes fonctions à Agra, à qui nous étions recommandés. Cet aimable gentleman veut absolument nous servir de cicérone dans notre visite au Taj, la merveille des merveilles, d'après tous les voyageurs et d'après lui. Au Taj, donc. Note. Taj, diadème, mausolée du mogol Shah Jahan et de la Begum Mumtaz Mahal. Fin de note. Nous descendons de voiture au pied d'un immense portique de grès rouge et de marbre, d'une conception superbe. 12 clochetons blancs, crestés d'or, surmontent cette grandiose porte d'entrée, entièrement incrustée de riches arabesques, mais à peine avons-nous pénétré sous l'élégante voûte que la plus magique des apparitions vient nous saisir à la gorge, car le vox faucibut hésite de Virgile trouve ici son application exacte. Au milieu d'un puissant bosquet d'arbres séculaires, serti d'un quadrilatère de murailles à colonnettes, s'élève majestueux un palais de marbre blanc dont la perfection idéale nous confond au point de nous rendre muets d'admiration. Qu'on se représente dominant le cours de la Jumna d'environ 10 mètres, une immense terrasse de grès rouge ornée à l'est et à l'ouest de deux élégantes mosquées roses à coupole blanche, et sur cette première terrasse, une deuxième entièrement en marbre blanc. Note, Jumna, affluent de droite du Gange. Fin de note. C'est sur ce socle gigantesque que l'architecte du Mogol, Shah Jahan, a édifié, avec le même calcaire immaculé, un octogone irrégulier soutenant un dôme et 4 clochetons flanqués de 4 minarets. Voilà le Taj. Note. Mogol Shah Jahan, empereur mogol, 1628-1658. Fin de note. Mais ce qui est impossible à décrire, c'est la suprême distinction des formes, la justesse incomparable des colossales proportions, la pureté des lignes, le fini des incrustations et des ciselures, car le mot sculpture est ici impropre, la richesse des matériaux et l'harmonieuse perfection de l'ensemble, qui font du Taj le chef-d'œuvre des monuments du monde. Note. Colossales proportions. Le croissant d'or de la coupole est à 85 mètres du sol. Fin de note. Tout est pur dans ce monument élevé à une favorite adorée par un royal amant. Tout est idéal. Si on pénètre dans l'intérieur, également tout entier en marbre de Jaipur, sous la blanche coupole reposent deux blancs sarcophages au centre d'une balustrade octogonale de 3 mètres de hauteur. Et c'est tout. Mais sur ces sarcophages, 1000 pierres fines dessinent les arabesques et les fleurs les plus gracieuses, mais les ciselures de la balustrade à jour semblent être du point de Venise cristallisé, mais chacun des 5 morceaux de cette merveilleuse dentelle est formé d'une seule dalle de marbre, et pour parfaire encore cette œuvre sans pareil, sous sa coupole lactée flotte le plus doux des échos. En effet, pendant que des murmures d'admiration s'échappent de nos lèvres, la sylphide à voix d'or de ce poème de marbre s'empare de nos paroles, les transforme, les harmoniste et en fait un accord d'une tonalité inconnue qui s'élève en modulation de plus en plus doucement, atténuée, puis se perd dans l'infini. Comme suprême raffinement d'opposition, un parc touffu abritant sous ses voûtes embaumées toutes les variétés de roses fait un écrin d'émeraude à ce bijou d'albâtre. Partout enfin, dans le ciel azuré, sur les dentelures de marbre et dans les branches en fleurs, les perruches à collier rose, les merles, les rossignols et les becs de corail agitent leurs ailes diaprées, et, digne chantre de cette maîtrise d'amour, redit sans cesse en l'honneur de la belle Mumtaz Mahal leur plus suave chanson. En revenant à l'hôtel, je suis obligée de me coucher. Ma visite au Taj m'a sans doute trop impressionnée. Non, je préfère être franc. À moi, l'élixir parégorique. 1er avril. Après une nuit et une matinée péniblement passées, je me lève vers 3 heures pour achever de secouer mon mal. Je ne suis pas bien solide, mais mon cher compagnon de voyage l'est pour moi. Nous visitons la Jumma Musjid, construite en dalles de grès avec incrustation de marbre. 3 immenses portails, couronnés de dômes et de clochetons, ornent sa façade monumentale, malheureusement un peu détériorée. Nous traversons ensuite la Jumna sur un pont de bateau pour aller visiter l'Etma Doula, mausolée élevée par le Mogol Jehangir à la mémoire de sa belle-mère. J'ai mal entendu, à la mémoire de son beau-père. Tant pis, c'eût été unique. L'Etma Doula est une sorte de merveilleux coffret en marbre blanc orné de 4 tours à clochetons et d'un pavillon central coiffé d'un dôme persan. Les incrustations en pierre fine et les sculptures à jour des murailles en font un tout indescriptible. Sa face principale donne sur un parc où de petits hindous tout nus, armés d'arcs frondes, guerroient contre les perroquets et les perruches qui ne laisseraient aucun fruit sur les arbres sans ces épouvantails vivants et vibrants. En rentrant à l'hôtel, nous donnons des ordres pour que 3 relais aillent nous attendre demain sur la route de Futtehpur Sikri. 2 avril, dès 6 heures du matin, nous montons donc en voiture et fouette cochée. Sans aller bien, je vais mieux. Ces routes de l'Inde sont ravissantes parce que grâce à la densité de la population, ce sont de véritables boulevards où l'on rencontre à chaque pas un nouveau sujet de curiosité ou d'étude. Note, densité de population. L'Inde, dont la superficie n'est que 7 fois plus grande que celle de la France, sans tenir compte de ses annexes insulaires, Ceylan, Lakshadweep et Maldives, est peuplée de plus de 250 millions d'habitants, soit 1/6 de la population totale du globe. Fin de note. Nous côtoyons tantôt d'interminables caravanes de chameaux, diversement chargées, tantôt nous croisons des voyageurs en équipage varié, entre autres un brave mahométan transportant en 2 voitures à bœufs ses nombreuses épouses qui risquent vers nous un œil, 2 yeux et même davantage. Le prophète est si loin et il fait si chaud. Je ne tarirais pas si je voulais narrer tout ce que je vois. Le costume des femmes se compose d'une sorte de jupon plus ou moins court et d'un étroit mamillaire de couleur bigarrée, laissant à nu le buste jusqu'aux hanches, comme à Ceylan. La plupart portent sur la tête un voile carré flottant en arrière ou retombant sur la poitrine. Ce cache-peau transparent leur permet, sans trop choquer les convenances conventionnelles, de donner, suivant le besoin, quelques instants de récréation à leurs bruns prisonniers. Je m'amuse pendant un relais à assassiner un aigle noir, un perroquet et un lièvre blond filasse. Mais je renonce bientôt à cette distraction insipide, tellement le gibier est abondant et met de complaisance à se laisser oxyre. À 9 heures, nous avons avalé 37 kilomètres et je ne sais combien de kilos de poussière, mais nous sommes à Futtehpur. Nous trouvons au bungalow un empressement proportionnel à la disette de tout Arnois de gueule. C'est la table rase de Locke. Heureusement, nous avions prévu le cas et emporté des provisions. Je donne de plus mon lièvre à faire rôtir, bien qu'il me paraisse déjà cuit. Un musulman d'une illustre origine, quoiqu'ayant la moelle épinière très endommagée, nous sert de guide. Il a autant la manie des grandeurs que la rage du bakchiche, et force nous est d'admirer d'abord les sarcophages innombrables de ses ancêtres, qui ne doivent certainement pas être fiers de la décrépitude morale et physique de leurs descendants. Nous avons beau lui faire savoir que nous nous moquons de sa famille, comme d'une guigne, se ramollit, s'acharne à nous énumérer chaque nouveau banc d'aïeux. Bref, nous l'abandonnons à ses souvenirs. La mosquée indo-mauresque de Futtehpore, plus belle encore que celle d'Agra, est bâtie sur une haute plateforme bordée de murailles à clochetons à laquelle donnent accès deux portes principales. Celle du sud, haute de 40 mètres et flanquée de minarets en mosaïque, est certainement la plus remarquable que nous ayons encore vue. Le tombeau du cheikh Selim Chisti occupe la partie nord de la cour intérieure de la mosquée. Ce tombeau, tout en dentelle de marbre blanc, avec toiture, porte-coupole et vasée en tulipes, soutenu par de merveilleux supports en forme de harpe à main, est un prodige de travail et un chef-d'œuvre d'élégance. Comme ce monument est un but de pèlerinage très couru, toutes les sculptures du bas des panneaux sont agrémentées de lambeaux d'étoffe et de rubans que les fidèles croyants viennent y déposer pour obtenir des faveurs sans doute. Voilà au moins de la dévotion imagée. Nous visitons ensuite un palais tout en grès rouge ciselé à jour. C'est dans cette demeure féerique du grand vizir Birbal que les jeunes époux d'Agra viennent passer leur nuit de noces. Ils auront beau faire plus tard, jamais ils ne donneront autant de coups de canif dans leur contrat qu'il existe de coups de burin dans les murailles. J'en réponds. Cependant, notre guide nous fait des signes suppliants. Nous le rejoignons sans méfiance. Ce sont encore de nouveaux fossiles de famille. Précisément ce que nous redoutions. Cette fois, nous lui disons des sottises, gesticulées, puis nous nous dirigeons vers le palais d'Akbar. Le fleuron principal de ce palais en grès rouge et en stuc se compose de 25 plateformes superposées en retrait vers un seul côté, formant comme un trône pyramidal. Il a nom Panch Mahal. Racontez que ces plateformes sont dentelées, clochetonnées et finement ouvragées seraient de la superfétation. Akbar, qui fut un grand empereur et un juge équitable, avait en outre la manche très large au point de vue religieux. C'était un libéral ou tout au moins un éclectique. Aussi avait-il quatre favorites principales à ce que notre illustrissime guide nous raconte. La première était musulmane, la deuxième hindoue, la troisième chrétienne. J'ai oublié le nom du culte que professait la quatrième, mais comme il avait un fort béguin pour la chrétienne, le palais de cette favorite est le plus riche et le plus soigné. Ce qui n'est pas découpé à jour est peint, et les peintures ont trait au mystère de notre religion. J'ai dit qu'Akbar avait la monomanie de rendre la justice. Seulement, il siégeait non sous un arbre comme Saint-Louis, mais sur un pilier tronqué. Ce pilier est certainement une des choses les plus curieuses de Futtehpore. Il est planté centralement à la salle du conseil et il communique par quatre petits ponts aériens avec les angles de la voûte ornés chacun d'un balcon en forme de corbeille. Ajouterais-je que le chapiteau chair du pilier est ultra savamment sculpté ainsi que tout le reste. Quand Akbar justicier, il occupait le poste central et ses ministres les échauguettes. Le gibier peuple était en bas. Il pouvait ainsi aboyer, mais pas mordre. Je connaissais la magistrature debout, celle assise, celle couchée même. J'ignorais la magistrature perchée. Cette dernière est incontestablement supérieure, au point de vue surtout de la sécurité des juges. Non loin de ce palais est une cour pavée en échiquier et commandée d'un côté par un socle de marbre. Le grand Mogol, à peine descendu de son pilier, remontait sur ce piédestal, non pour rendre de nouvelles sentences, mais pour faire manœuvrer à sa guise les personnes de sa cour sur cet échiquier nature. Quel constructeur! Quel juge! Quel époux! Quel joueur d'échecs que cet Akbar! Notre grand seigneur et guide nous ramène ensuite au pied de la porte monumentale de la mosquée où une bande de jeunes hindous en costume léger se démène en hurlant. À notre approche, l'un de ces énergumènes monte avec rapidité au sommet de la porte et se précipite en maintenant sa position verticale par une grande agitation des bras dans un trou profond et vaseux d'où il ressort vert comme un perroquet. Toute la troupe exécute le même mouvement, puis, assurée sans doute grâce à nos mines non équivoques d'un bakchich argentiforme, ces plongeurs effrayants se jettent de nouveau dans le même gouffre du haut des remparts de la mosquée. Nous leur distribuons une poignée d'anas en échange de la chair de poule qu'ils nous ont donnée et nous rentrons enfin au bungalow prendre une pâture bien gagnée. Je n'insiste pas sur notre déjeuner, j'affirmerai seulement que mon lièvre n'était pas saignant. À 4 heures, nous sommes à Agra et à 4h30, au fort. Le fort est une agglomération imposante de palais, de salles, de cours, de jardins et de mosquées, entourée d'une ceinture de remparts superbes mesurant 2 km de pourtour. Note, Agra, 150 000 habitants, capitale de l'Empire moghol sous Akbar et sous Shah Jahan. Fin de note. Deux portes puissamment fortifiées donnent accès à l'intérieur. Celle de Delhi est flanquée de tours monumentales qui gardent la large voie d'allée conduisant en serpentant au préau et à la cour intérieure. L'immense salle où Akbar rendait encore la justice, pour changer, repose sur des piliers élégants réunis par des arcades mauresques. Au centre est une alcôve à baldaquin, tout en marbre blanc, incrustée de pierres fines. La salle des audiences particulières, entièrement en marbre, est semblable à la précédente, mais de dimensions moindres. Le bain des femmes et le harem ont été décrits dans les mille et une nuits. Je me contenterai de dire que les murs et les voûtes sont un semis de fantastiques arabesques en stuc et en marbre incrustés de petits miroirs bombés. 1000 lampes dont les niches sont encore intactes faisaient étinceler toutes ces merveilles au temps où les sultanes venaient baigner dans les bassins de jade leurs corps de bronze. Si les sultanes ont disparu, l'eau apporte toujours par 1000 canaux dans ces piscines impériales une délicieuse fraîcheur et les rosiers des jardins n'en sont pas moins couverts de roses. Signalons encore une ravissante petite mosquée réservée aux femmes seules. Les déchirures de marbre des galeries surplombant les profondes arènes de la Jumna et arrêtons-nous devant la Moti Musjid. Ces 3 dômes de marbre blanc surmontés de flèches dorées reposent sur de gracieux piliers entre les arceaux desquels on n'aperçoit que le ciel bleu. Voilà bien la main de l'architecte du Taj. Le même marbre, les mêmes riches matériaux ont été employés et le même génie a évidemment présidé à la construction de ce chef-d'œuvre édifié sous le moghol Shah Jahan. Nous terminons notre journée admirative par la visite du palais de Jehangir, fils d'Akbar, monument du plus pur style hindou. Les piliers de grès rouge, aux sculptures bizarres, sont surtout remarquables. Note, Jehangir signifie « conquérant du monde ». C'est le surnom du moghol Selim, 1605-1627. Fin de note. À coup sûr, Jehangir n'était pas un ultramontain comme Shah Jahan. Abandonnant le fort par la porte de Lahore, nous allons parcourir la ville indigène. Quel remue-ménage, quel grouillement, quel bruissement et quelles étranges odeurs! En voilà de la quintessence de couleur locale. Les maisons, presque toutes à balcon, à dôme, à baldaquin, à portique, à loggia et à colonnette, sont les unes en stuc, les autres en marbre, quelques autres en bois, mais toutes disparaissent sous les sculptures et les peintures les plus abracadabrantes, et chaque balcon est garni d'une guirlande de femmes aux yeux alanguis comme des soleils couchants. Après un excellent dîner sous les manguiers de la villa de notre hôte, nous allons faire à 10 heures nos adieux aux tâches. Monsieur F avait donné des ordres pour qu'à notre arrivée, des feux de Bengale, savamment disposés, fissent resplendir à nos yeux le merveilleux édifice. À peine, en effet, avons-nous franchi le seuil de la porte triomphale que nous assistons à l'apothéose de ce mausolée, plus beau, plus majestueux, plus céleste encore, au milieu du calme de la nuit, que lorsque le soleil darde ses brûlantes caresses sur sa coupole nacrée. Avez-vous souvenance, chers compagnons de voyage, des choses effluves et des senteurs pénétrantes qu'exhalaient autour de nous les ramures enfiévrées des manguiers en fleurs? L'air était saturé de pollen et dans l'ombre, on entendait comme des frémissements. C'était les battements d'ailes de l'amour. Quel endroit était d'ailleurs plus propice à ce dont il nous fut donné d'être témoin? Vous en souvient-il, ami? Je jurerais même qu'au milieu de vos périlleux combats ou dans vos marches forcées, au travers des rizières du fleuve rouge et de la rivière claire à Haomok, au Langson, plus d'une fois, le souvenir que je rappelle ici est venu vous visiter et que vous l'avez bien accueilli. À 1 heure du matin, en route pour Delhi. Fin du chapitre 8, deuxième partie.